51. Conversation. Écoutez. 1. Aujourd'hui, nous parlerons de la phrase passive. 2. Pierre, donne-moi un exemple de phrase à la voix active. 3. Le maître punit Claire. 4. Que devient cette phrase à la voix passive? 5. Claire est punie par le maître. 6. Un autre exemple de phrase à la voix active? 7. De nombreux téléspectateurs regardent le match. 8. Maintenant, Marie, mets cette phrase à la voix passive. 9. Le match est regardé par de nombreux téléspectateurs. 10. Voyons maintenant d'autres phrases à la voix passive. Répétez. 11. Aujourd'hui, nous parlerons de la phrase passive. 12. Pierre, donne-moi un exemple de phrase à la voix active. 13. Le maître punit Claire. 14. Que devient cette phrase à la voix passive? 15. Claire est punie par le maître. 16. Un autre exemple de phrase à la voix active? 17. De nombreux téléspectateurs regardent le match. 18. Maintenant, Marie, mets cette phrase à la voix passive. 19. Le match est regardé par de nombreux téléspectateurs. 20. Voyons maintenant d'autres phrases à la voix passive. Répondez, répétez. 21. Pierre, donne-moi un exemple de phrase à la voix active. 22. Le maître punit Claire. 23. Que devient cette phrase à la voix passive? 24. Claire est punie par le maître. 25. Un autre exemple de phrase à la voix active? 26. De nombreux téléspectateurs regardent le match. 27. Maintenant, Marie, mets cette phrase à la voix passive. 28. Le match est regardé par de nombreux téléspectateurs. Écoutez. Le match Saint-Étienne-Nantes vient de se terminer. Score final, Saint-Étienne 3, Nantes 2. Le premier but a été marqué par Saint-Étienne après 10 minutes de jeu. Nantes a égalisé grâce à un but de Rio à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Durant les dernières minutes de la première mi-temps, le jeu a été mené par Nantes. Pendant la deuxième mi-temps, deux autres buts ont été marqués par Saint-Étienne. Le premier a été marqué par Platini sur corner tiré par Rocheteau. Le deuxième but a été marqué, quelques minutes après, par Larios sur pénalty. Un joueur de Saint-Étienne avait été fauché par Michel dans la surface de réparation. Nantes a réduit l'écart à la 75e minute sur un tir de Hamis. Répétez. 29. Le match Saint-Étienne-Nantes vient de se terminer. 30. Score final, Saint-Étienne 3, Nantes 2. 31. Le premier but a été marqué par Saint-Étienne après 10 minutes de jeu. Nantes a égalisé grâce à un but de Rio à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Durant les dernières minutes de la première mi-temps, le jeu a été mené par Nantes. Pendant la deuxième mi-temps, deux autres buts ont été marqués par Saint-Étienne. Le premier a été marqué par Platini sur corner tiré par Rocheteau. Le deuxième but a été marqué, quelques minutes après, par Larios sur pénalty. 37. Un joueur de Saint-Étienne avait été fauché par Michel dans la surface de réparation. Nantes a réduit l'écart à la 75e minute sur un tir de Hamis. 39. Quel est le match qui vient de se terminer? 40. Le match Saint-Étienne-Nantes vient de se terminer. 41. Quel a été le score final? 42. Score final, Saint-Étienne 3, Nantes 2. 43. Par qui a été marqué le premier but? 44. Le premier but a été marqué par Saint-Étienne après 10 minutes de jeu. 45. Quand Nantes a-t-il égalisé? 46. Nantes a égalisé grâce à un but de Rio à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. 47. Alors Nantes a pris l'initiative du jeu? 48. Oui, durant les dernières minutes de la première mi-temps, le jeu a été mené par Nantes. 49. Combien de buts ont été marqués par Saint-Étienne pendant la seconde mi-temps? 50. Pendant la deuxième mi-temps, deux autres buts ont été marqués par Saint-Étienne. 51. Par qui a été marqué le premier? 52. Le premier a été marqué par Platini sur corner tiré par Rocheteau. 53. Et le deuxième? 54. Le deuxième but a été marqué quelques minutes après par Larios sur pénalty. 55. Pourquoi y a-t-il eu un pénalty? 56. Un joueur de Saint-Étienne avait été fauché par Michel dans la surface de réparation. 57. Quand l'écart a-t-il été réduit? 58. Nantes a réduit l'écart à la 75e minute sur un tir de Hamis. 50. En direct du stade Charletti, les épreuves du saut en hauteur féminin ont lieu en ce moment. Reste en compétition Sarah Simeoni, Marie-Christine Debourse et Rosemarie Ackermann. Le mètre 93 a été franchi uniquement par ces trois athlètes. La barre maintenant a été placée à 1 m96. La compétition est suivie par le public avec beaucoup d'intérêt. Répétez. 59. En direct du stade Charletti. 60. Les épreuves du saut en hauteur féminin ont lieu en ce moment. Reste en compétition Sarah Simeoni, Marie-Christine Debourse et Rosemarie Ackermann. 62. Le mètre 93 a été franchi uniquement par ces trois athlètes. 63. La barre maintenant a été placée à 1 m96. 64. La compétition est suivie par le public avec beaucoup d'intérêt. Répondez, répétez. 65. Nous sommes en direct avec le stade Charletti. 66. Oui, nous sommes en direct avec le stade Charletti. 67. Les épreuves de saut en hauteur féminin sont-elles commencées? 68. Oui, les épreuves de saut en hauteur féminin ont lieu en ce moment. 69. Quels sont les athlètes qui restent en compétition? 70. Restent en compétition Sarah Simeoni, Marie-Christine Debourse et Rosemary Ackermann. 71. Qui a franchi 1m93? 72. Le 1m93 a été franchi uniquement par ces trois athlètes. 73. À quelle hauteur est la barre? 74. La barre maintenant a été placée à 1m96. 75. Le public suit la compétition avec intérêt? 76. Oui, la compétition est suivie par le public avec beaucoup d'intérêt. Écoutez. 77. En direct du Mans. 78. Une foule nombreuse se presse, comme d'habitude, autour du circuit. 79. Elle a été évaluée à 300 000 personnes. 80. Il ne faut pas oublier que c'est la course automobile la plus prestigieuse du monde. 80. Voitures et pilotes sont mis à rude épreuve. 82. Il faut de l'endurance, mais aussi beaucoup de compétences pour terminer la course. 83. La Renault de la Rousse et la Matra de GKX sont données comme favorites. 84. Le départ a été donné à 16 heures. Il y a donc maintenant 2 heures que la course est commencée. Répondez, répétez. 85. On est en direct avec Le Mans. 86. Oui, on est en direct avec Le Mans. 87. Il y a du monde? 88. Oui, une foule nombreuse se presse, comme d'habitude, autour du circuit. 89. À combien de personnes a-t-elle été évaluée? 90. Elle a été évaluée à 300 000 personnes. 91. Pourquoi tant de monde? 92. Il ne faut pas oublier que c'est la course automobile la plus prestigieuse du monde. 93. La course est difficile. 94. Oui, voitures et pilotes sont mis à rude épreuve. 95. Quelles sont les qualités nécessaires pour terminer la course? 96. Il faut de l'endurance, mais aussi beaucoup de compétences pour terminer la course. 97. Quelles sont les voitures favorites? 98. La Renault de Larousse et la Matra de Jackie X sont données comme favorites. 99. Depuis quand le départ a-t-il été donné? 100. Le départ a été donné à 16 heures. Il y a donc maintenant 2 heures que la course est commencée.